Jean-Louis Aubert s'en fout, il sait qu'il est une star ultime. Jean-Louis Aubert s'en fout, il sait qu'il est une star ultime. Et moi tout seul chez moi, oui moi j'attends le RSA. Jean-Louis Aubert s'en fout, il sait qu'il est une star ultime. Jean-Louis Aubert s'en fout, il sait qu'il est une star ultime. Et moi tout seul je regarde sa chagrée qui suce d'épines. Jean-Louis Aubert s'en fout, il sait qu'il est une star ultime. Il achète des bananes et des lunettes et du café. Et moi tout seul chez moi, oui moi j'attends le RSA. Jean-Louis Aubert s'en fout, il sait qu'il est une star ultime. Jean-Louis Aubert s'en fout, il sait qu'il est une star ultime. Moi je mange mes poissons panés, mes sardines à l'huile. Jean-Louis Aubert s'en fout, il sait qu'il est une star ultime. Jean-Louis Aubert s'en fout, il sait qu'il est une star ultime. Et moi tout seul chez moi, moi je regarde une vidéo de Jean-Louis Aubert qui s'en fout et qui sait qu'il est une star ultime. Car Jean-Louis Aubert s'en fout, il sait qu'il est une star ultime. Ouh. Une star ultime, une star ultime, une star ultime.